Chapitre 2. Le manuscrit trouvé par Adeline la nuit précédente s'était souvent retracé à sa mémoire pendant la durée du jour, mais elle avait pris alors un trop grand intérêt aux circonstances du moment, ou bien elle avait eu trop de crainte d'être interrompue pour essayer de le lire. Elle le prit dans le tiroir où elle l'avait déposé et s'assit à côté de son lit, dans l'intention seulement de parcourir quelques-unes des premières pages. Elle l'ouvrit avec une curiosité impatiente, que l'encre décolorée, presque effacée, satisfaisait bien lentement. Les premiers mots de la page étaient entièrement perdus, mais ceux qui semblaient commencer le récit étaient ainsi conçus. « Ô vous, qui que vous soyez, que le hasard ou l'infortune pour un jour conduire dans ce lieu, c'est à vous que je m'adresse, à vous que je révèle mes outrages, à vous que j'en demande vengeance, vain espoir. Je trouve pourtant quelque consolation à croire que ce que j'écris maintenant pourra tomber un jour sous les yeux de mes semblables, qu'un jour les mots qui disent mes souffrances pourront émouvoir la pitié de quelque cœur sensible. Mais retenez vos larmes. Votre pitié est maintenant superflue. Depuis longtemps les angoisses de la misère ont cessé. Depuis longtemps le cri de la plainte ne se fait plus entendre. C'est faiblesse que de désirer une compassion qui ne peut être excitée qu'après que je me serai endormi du sommeil de la mort, et que je commencerai, je l'espère, à jouir du bonheur éternel. Apprenez donc que la nuit du 12 octobre 1742, je fus arrêté sur la route de Caux par 4 scélérats, qui, après avoir désarmé mon domestique, me traînèrent à travers des bois et des lieux déserts dans cette abbaye. Leur conduite n'était pas celle de brigands ordinaires, et je démêlai bientôt qu'ils étaient mis en œuvre par un agent supérieur pour accomplir quelque horrible projet. Aucune prière, aucune récompense ne purent les engager à découvrir celui qui les employait, ni à se départir de leurs desseins. Ils ne voulurent pas même révéler la moindre circonstance de leurs intentions. Mais lorsqu'après une longue course, ils furent arrivés dans cet édifice, ils déclarèrent aussitôt leur perfide commettant, et son horrible complot ne fut que trop bien connu. Ah, quel moment! Toutes les foudres du ciel semblaient lancées sur cette tête sans défense. Ô courage, donne à mon cœur la force de... La lumière d'Adeline expirait alors dans la bobèche, et l'encre était si pâle et si faiblement éclairée qu'elle fit de vains efforts pour distinguer les caractères. Elle ne pouvait se procurer en bas une autre lumière sans découvrir qu'elle n'était pas encore couchée, circonstance qui aurait excité l'étonnement et entraîné des explications dans lesquelles elle ne désirait pas entrer. Forcée de suspendre un examen auquel le concours de tant de circonstances donnait un intérêt si terrible, elle se retira dans son humble couche. Ce qu'elle avait lu du manuscrit l'attachait par une affreuse curiosité au sort de l'auteur, et présentait à son âme des images épouvantables. « Dans ses appartements ? » dit-elle. Elle frissonna et ferma les yeux. Enfin, elle entendit Madame Lamothe entrer dans sa chambre, et les fantômes de la terreur, commençant à se dissiper, lui permirent de reposer. Le matin, elle fut réveillée par Madame Lamothe et reconnut à son grand regret qu'elle avait tellement excédé la durée ordinaire de son sommeil qu'il ne lui était pas possible de reprendre la lecture du manuscrit. Lamothe paraissait singulièrement sombre, et Madame Lamothe avait un air de tristesse qu'Adeline attribuait à l'intérêt qu'elle prenait à son sort. Le déjeuner était à peine fini, qu'un bruit de chevaux annonça l'arrivée d'un étranger, et Adeline, par une fenêtre de la salle, vit le marquis mettre pied à terre. Elle se retira précipitamment, et oubliant la prière de Lamothe, elle courait à sa chambre. Mais le marquis était déjà dans la salle, et voyant qu'elle sortait, il se tourna vers Lamothe avec l'air de l'examiner. Lamothe la rappela, et par un coup d'œil trop intelligible, la fit ressouvenir de sa promesse. Elle recueillit toutes ses forces, tous ses esprits, ce qui ne l'empêcha pas de montrer en s'approchant beaucoup d'émotion, pendant que le marquis lui adressait la parole à son ordinaire, toujours avec la même gaieté sur sa figure, toujours avec la même aisance dans ses manières. Adeline fut surprise et offensée de cette confiance négligée, qui, réveillant au surplus sa fierté, lui imprima un air de dignité qui le déconcerta. Il parlait en hésitant et semblait souvent n'être pas à la conversation. Enfin, il se lève et prie Adeline de lui accorder un moment d'entretien. Monsieur et Madame Lamothe sortaient de la chambre lorsqu'Adeline, se tournant du côté du marquis, lui dit qu'elle ne voulait rien entendre qu'en présence de ses amis. Mais elle le dit en vain car ils étaient déjà partis. Et Lamothe, en se retirant, exprima par ses regards combien elle lui déplairait si elle tentait de le suivre. Elle demeura quelque temps en silence et dans une attente craintive. « Je vois, dit enfin le marquis, que la conduite indiscrète à laquelle m'a porté dernièrement l'excès de mon ardeur m'a fait tort dans votre opinion, et que vous ne me rendrez pas facilement votre estime. Mais je me flatte que l'offre que je vous fais maintenant de mon titre et de ma fortune doit assez prouver la sincérité de mon attachement et doit assez expier une faute qui ne fut inspirée que par l'amour. » Après cet étalage de lieux communs verbeux, que le marquis semblait regarder comme le prélude de son triomphe, il tenta d'imprimer un baiser sur la main d'Adeline, mais elle la retira promptement et lui dit « Monseigneur, vous connaissez déjà mes sentiments sur cet article. Il est à peu près superflu que je répète ici que je ne puis accepter l'honneur que vous m'offrez. Expliquez-vous, aimable Adeline, je ne sache pas vous avoir fait cette offre jusqu'à présent. Vous avez raison, monsieur, dit Adeline, et vous faites bien de me le rappeler. Puisqu'après avoir entendu votre première proposition, j'ai pu en écouter d'autres un seul instant. » Elle se leva pour sortir de la chambre. « Arrêtez, mademoiselle, » dit le marquis avec un regard où l'orgueil offensé s'efforçait de se cacher. « Ne souffrez pas qu'un dépit insensé agisse contre vos intérêts. Rappelez-vous les dangers qui vous environnent et pesez la valeur d'une offre qui peut du moins vous procurer un asile honorable. Quelles que soient mes infortunes, monseigneur, je ne vous en ai jamais fatigué. Vous me pardonnerez donc de vous observer que la mention que vous en faites à présent a beaucoup plus l'apparence de l'insulte que de la pitié. » Le marquis, malgré son trouble manifeste, était sur le point de répondre, mais Adeline refusa de s'arrêter et se retira dans sa chambre. Toute délaissée qu'elle était, son cœur fut révolté de la proposition du marquis et elle résolut de ne jamais l'accepter. Il est vrai qu'à la répugnance qu'elle avait pour son caractère général et à l'aversion excitée par l'offre de sa main, se joignait l'influence d'un premier attachement et d'un souvenir qu'il lui était impossible d'effacer de son cœur. Le marquis demeura à dîner, et par égard pour la mode, Adeline se mit à table. Pendant le repas, le premier la regardait en silence avec une attention si fréquente que son chagrin devint insupportable, et dès que la nappe fut enlevée, elle se retira. Madame Lamothe la suivit de près, et ce ne fut que sur le soir qu'elle trouva le moment de retourner au manuscrit. Lorsque monsieur et madame Lamothe furent dans leur chambre et que tout parut tranquille, elle prit le rouleau, et après avoir garni la lampe, elle lut ce qui suit. Les brigands me détachèrent de dessus mon cheval et me conduisirent à travers la salle à l'escalier tournant de l'abbaye. La résistance était inutile, mais je regardai autour de moi, dans l'espérance de voir quelques personnes moins endurcies que les hommes qui m'avaient conduit ici, un être qui fut sensible à la pitié ou du moins capable de quelques égards. Je cherchais vainement. Personne ne parut, et cette circonstance confirma mes affreuses appréhensions. Tout se passait dans un mystère qui présageait une horrible catastrophe. Après avoir franchi quelques chambres, ils s'arrêtèrent dans une qui était tendue d'une vieille tapisserie. Je demandai pourquoi nous n'allions pas plus avant. On me répondit que je le saurais bientôt. En ce moment, je m'attendais à voir lever l'instrument mortel. Tout bas, je me recommandais à Dieu. Mais ce n'était pas encore l'instant marqué pour mon trépas. Ils levèrent la tapisserie, sous laquelle était une porte qu'ils ouvrirent. Me saisissant par le bras, ils me conduisirent en haut dans une suite de chambres affreuses. Arrivé à la dernière, ils s'y arrêtèrent encore. L'horrible obscurité du lieu semblait sympathiser avec l'assassinat et inspirait des pensées de mort. Je regardais de nouveau si je voyais l'instrument de mon trépas. J'eus encore un répit. Je demandai en grâce de savoir ce qu'on me préparait. Je n'avais pas besoin alors de demander qui était l'auteur de cette trame. Ils ne répondirent point à ma question, mais ils me dirent que cette chambre était ma prison. Après m'avoir laissé une cruche d'eau, ils sortirent de la chambre et j'entendis fermer sur moi le verrou de la porte. Ô bruit du désespoir, ô moment d'angoisse indicible! L'agonie de mort n'est certainement pas plus que celle que j'éprouvais. Privé du jour, de mes amis, de la vie, car je prévoyais mon sort. Dans la fleur de mes années, dévoué à imaginer des horreurs plus effrayantes peut-être que toutes celles que la certitude peut produire, je succomba. Ici, plusieurs pages du manuscrit étaient ou endommagées par l'humidité ou absolument illisibles. Adeline eut beaucoup de peine à déchiffrer les lignes suivantes. J'ai déjà passé 3 jours dans la solitude et le silence. Les horreurs de la mort sont toujours devant mes yeux. Essayons de nous préparer à ce passage terrible. Quand je m'éveille le matin, je crois que je ne vivrai pas assez pour voir la nuit prochaine, et quand la nuit est de retour, que je ne rouvrirai pas les yeux sur le matin. Pourquoi m'a-t-on conduit en ces lieux? Pourquoi y suis-je cruellement emprisonné? Pour y mourir. Mais quelle action de ma vie a mérité ce traitement de la part d'un de mes semblables? Ô mes enfants, ô mes amis, je ne vous reverrai plus. Je ne recevrai plus de vous le regard d'adieu, de la tendresse. Je ne vous bénirai plus en vous quittant. Vous ne connaissez pas mon sort misérable. Hélas, il vous est impossible de le savoir. Vous me croyez heureux? Sans quoi vous voleriez à mon aide? Je sais bien que ce que j'écris ne peut me servir de rien, mais c'est un soulagement que d'exhaler mes douleurs. Et je bénis cet homme, moins barbare que ses compagnons, qui m'a fourni les moyens de les retracer. Hélas, il sait trop bien qu'il n'a rien à craindre de sa condescendance. Ma plume ne peut appeler aucun ami à mon secours, ni leur révéler mon danger avant qu'il n'en soit plus temps. Ô vous, qui dans la suite viendrez peut-être à lire ce que j'écris maintenant, donnez une larme à mes souffrances. J'ai souvent pleuré sur les détresses de mes semblables. » Adeline s'arrêta. Ici, le malheureux écrivain en appelait directement à son cœur. Il parlait avec l'énergie de la vérité, et par un long prestige de l'imagination, le récit de ses souffrances passées semblait lui reproduire comme présente. Elle fut quelque temps hors d'état de continuer, et resta plongée dans une profonde et triste rêverie. C'est dans ces mêmes appartements, dit-elle, que cette pauvre victime était renfermée. C'est ici qu'il... Adeline frissonna et crut entendre du bruit, mais rien ne troublait le calme de l'obscurité. C'est dans ces mêmes chambres, dit-elle, que ces lignes furent écrites. Ces lignes dont il tirait alors une consolation en se figurant qu'elles seraient lues un jour par un œil compatissant. Il est arrivé ce jour. Être infortuné, vos misères sont pleurées au lieu où vous les avez subies. Ici, vous souffriez, ici, je gémis sur vos souffrances. Son imagination était alors vivement frappée, et les illusions d'une âme égarée se présentaient à ses sens troublés avec toute la force de la réalité. Elle tressaillit encore, prêta l'oreille, et crut entendre ici répéter tout bas immédiatement derrière elle. Toutefois, la terreur de cette idée ne fut que passagère. Elle savait que cela était impossible. Convaincue de l'erreur de son imagination, elle prit le manuscrit et continua de lire. « À quoi suis-je réservé? Pourquoi ce retard? Si je dois mourir, pourquoi pas tout à l'heure? J'ai passé déjà 3 semaines entre ces murs, sans qu'un regard de pitié ait adouci mes afflictions, sans qu'une autre voix que la mienne ait frappé mon oreille. Le visage des brigands qui me gardent est dur et inflexible, leur taciturnité opiniâtre. Que ce silence est terrible! Ô vous, qui savez ce que c'est que de vivre dans les profondeurs de la solitude, qui avez passé vos jours affreux sans être réjouis par aucun son, vous, vous seul, pouvez dire ce que j'éprouve, et vous seul, pouvez savoir tout ce que j'endurais pour entendre les accents d'une voix humaine. Ô dure extrémité, ô mort vivante, quel affreux silence! Autour de moi tout est mort. Et moi existais-je, réellement, ou ne suis-je qu'un marbre? Est-ce un songe? Tout ceci est-il véritable? Hélas, je m'y perds. Ce silence mortel et sans fin, cette chambre affreuse, la crainte de nouveaux tourments, ont troublé mon imagination. Ô le sein d'un ami pour y reposer ma tête, le cordial de quelques accents pour revivifier mon âme. J'écris à la dérobée. Je tremble que celui qui m'en a procuré les moyens n'ait été puni pour avoir manifesté quelques marques de pitié sur mon sort. Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Peut-être est-il porté à me secourir. Peut-être l'empêche-t-on de venir par cette raison. Oh, quelle espérance, mais quelle est vaine! Non, je ne dois plus quitter ces murs de ma vie. Un autre jour est venu et je respire encore. Demain soir, à cette heure-ci, mes souffrances seront peut-être ensevelies dans la mort. Je continuerai mon journal pendant la nuit, jusqu'à ce que la main qui l'a écrit soit arrêtée par le trépas. Quand ce journal sera interrompu, le lecteur saura que je ne suis plus. Peut-être ces lignes sont-elles les dernières que j'écrirai jamais. Adeline s'arrêta en versant un torrent de larmes. « L'infortuné ! S'écria-t-elle. « Et il n'y eut pas une âme pitoyable pour te sauver. Grand Dieu, tes voix sont incompréhensibles. » En continuant de rêver, son imagination, qui s'égarait dans les régions de la terreur, triompha par degrés de sa raison. Elle avait devant elle un miroir sur sa table, et elle tremblait de lever les yeux dessus, de peur qu'il n'offrît à ses regards une autre figure que la sienne. D'autres effrayantes idées, d'autres images fantastiques se croisaient alors dans sa pensée. Elle crut entendre pousser près d'elle un profond gémissement. « Vierge sainte, protège-moi » s'écria-t-elle en jetant un coup d'œil effrayé autour de la chambre. « Il y a ici quelque chose de plus que de l'imagination. » Cette terreur la dominait tellement qu'elle fut plusieurs fois sur le point d'appeler une partie de la famille, mais elle fut retenue par sa répugnance à les déranger et par la crainte du ridicule. Elle n'osait non plus bouger, ni presque respirer. En prêtant l'oreille au vent qui murmurait à la fenêtre de sa chambre solitaire, elle crut entendre encore un sanglot. Son imagination refusa de se soumettre plus longtemps à sa raison. Elle tourna la tête, et une figure dont elle ne pouvait distinguer exactement la forme sembla traverser une partie obscure de la chambre. Elle fut saisie d'un horrible frisson et demeura immobile sur son siège. À la fin, un long soupir soulagea un peu ses esprits accablés et elle reprit connaissance. Tout demeurant tranquille, elle commença après quelques moments à se demander si son imagination ne l'avait pas trompée, et elle se rendit à ses maîtresses de sa terreur pour ne pas appeler Madame Lamothe. Cependant, son âme était si troublée que de la nuit elle n'osa plus reprendre le manuscrit. Mais, après avoir passé quelque temps à prier et à calmer ses sens, elle se coucha. Lorsqu'elle s'éveilla le matin, les doux rayons du soleil jouèrent à travers sa croisée et dissipèrent les illusions de l'obscurité. Son âme, tranquillisée et raffermie par le sommeil, repoussa les superstitieuses et turbulentes chimères de l'imagination. Elle se leva, ranimée et rendant grâce au ciel. Mais en descendant pour déjeuner, ce calme s'évanouit à la vue du marquis, dont les fréquentes visites, après ce qui s'était passé, non seulement lui déplaisaient, mais lui causaient encore beaucoup d'alarmes. Elle vit qu'il était résolu à continuer de lui faire la cour. L'effronterie et l'insensibilité de cette conduite, en excitant son indignation, augmentaient sa répugnance. Par pitié pour Lamothe, elle s'efforçait de cacher ses émotions, quoiqu'alors elle crût qu'il avait trop exigé de sa complaisance, quoiqu'elle commençât sérieusement à considérer comme elle pourrait se soustraire à la nécessité d'avoir les mêmes égards. Le marquis eut pour elle les attentions les plus respectueuses, mais Adeline garda le silence, fut très réservée et saisit la première occasion de se retirer. Comme elle passait dans l'escalier tournant, Pierre entra dans la salle en bas. En voyant Adeline, il s'arrêta et la regarda avec empressement. Elle ne le remarquait pas, mais il l'appela doucement, et alors elle lui fit un signe, comme s'il avait quelque chose à lui communiquer. Au même instant, Lamothe ouvrit la porte de la chambre voûtée, et Pierre disparut bien vite. Elle remonta dans sa chambre, en rêvant à ce signe et à l'air de précaution dont Pierre l'avait accompagnée. Mais ses pensées revinrent bientôt à leurs objets accoutumés. Déjà 3 jours étaient écoulés, et il n'entendait point parler de son père. Elle commença d'espérer qu'il s'était départi des mesures violentes dont Lamothe l'avait prévenu, et qu'il voulait suivre un plan plus modéré. Mais lorsqu'elle réfléchissait à son caractère, cela ne lui paraissait pas probable, et elle retombait dans ses premières alarmes. La persévérance du marquis et la conduite que Lamothe la forçait à tenir lui rendaient très pénible son séjour à l'abbaye, et cependant elle ne pouvait songer sans effroi à en sortir pour retourner auprès de son père. L'image de Théodore s'insinuait souvent au milieu de ses pensées tumultueuses, et y mêlait une angoisse occasionnée par son étrange départ. Elle avait un pressentiment confus que son sort était lié au sien de quelque manière. Et tous ses efforts pour le repousser de son souvenir ne servaient qu'à lui montrer les progrès qu'il avait faits dans son cœur. Pour détourner sa pensée de ses objets et satisfaire une curiosité si vivement excitée la nuit précédente, elle reprit le manuscrit, mais au moment de l'ouvrir, elle en fut empêchée par l'arrivée de Madame Lamothe, qui venait lui dire que le marquis était parti. Elles passèrent ensemble leur matinée à travailler et à s'entretenir de choses indifférentes. Lamothe ne parut pas jusqu'au dîner. Il y parla peu et Aline encore moins. Elle lui demanda pourtant s'il avait des nouvelles de son père. « Aucune, dit Lamothe, mais d'après ce que m'a dit le marquis, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il n'est pas loin d'ici. » Aline fut saisie, mais elle prit sur elle de répondre avec une fermeté apparente. « Monsieur, je vous ai déjà trop longtemps enveloppé dans mes infortunes, et je vois aujourd'hui que ma résistance vous perdrait sans me servir. Je demande donc à retourner auprès de mon père et à vous éviter par là de nouveaux malheurs. »« C'est un parti très inconsidéré, » reprit Lamothe, « et si vous y persistez, je crains bien que vous ne vous en repentiez cruellement. Je vous parle en ami, Adeline, et je souhaite que vous tâchiez de m'écouter sans prévention. Je vois que le marquis vous offre sa main. » Je ne sais ce qui doit me surprendre le plus, qu'un homme de ce rang et de cette importance fasse la demande d'une personne sans fortune et sans relations remarquables, ou que cette personne puisse un moment refuser l'avantage qu'on lui présente. Vous pleurez, Adeline. Permettez-moi d'espérer que vous êtes convaincue de l'absurdité d'une pareille conduite et que vous ne vous jouerez plus de votre bonheur. La tendresse que je vous ai montrée vous a prouvé combien je m'intéresse à vous, et qu'en vous donnant ce conseil, je n'ai d'autre vue que votre bien. Je dois néanmoins vous le dire, quand même votre père n'insisterait pas pour vous retirer d'ici. Je ne sais combien de temps ma position me laisserait les moyens de vous procurer les faibles secours que vous y recevez. Vous gardez toujours le silence. » La peine que lui fit éprouver ce discours l'empêchait de parler. Elle continua de pleurer. À la fin, elle dit « Souffrez, monsieur, que je retourne vers mon père. Ce serait certainement bien mal reconnaître les bontés dont vous me parlez que de vouloir demeurer après ce que vous venez de me dire. Quant à la main du marquis, je sens qu'il m'est impossible de l'accepter. » Le souvenir de Théodore s'éveilla dans son âme et ses larmes redoublèrent. Lamothe resta longtemps pensif. « Étrange aveuglement, dit-il, pouvez-vous persister dans cet héroïsme romanesque et préférer un père aussi barbare que le vôtre, marquis de Montalt, un sort aussi rempli de dangers à une vie de magnificence et de délices ? Pardonnez-moi, dit Adeline, un mariage avec le marquis serait magnifique, mais jamais heureux. Son caractère excite mon aversion, et je vous supplie, monsieur, de ne plus me parler de lui. »